بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية في اليمن. على plaisir de vous présenter. فنبدأ في هذا اليوم إن شاء الله تعالى بهذه الرسالة النافعة ستة مواضع من السيرة للإمام العلامة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله. طهمونير ابن أحمد المغربي حفظه الله تعالى. كور نمبر 5. بسم الله الرحمن الرحيم. نكمل إن شاء الله الموضع الأول. وقفنا أين؟ أول شيء قال حفظه الله تعالى: أول شيء أنه أمر بالإنذار، وأمر أي النبي صلى الله عليه وسلم بهجر الأصنام وتركها. هذا تقدم معنا، هذه هي الفائدة الكبرى من هذا الموضع من السيرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما أمر به الدعوة إلى التوحيد والإنذار والتحذير من الشرك والأمر بترك الأصنام. هذه فائدة عظيمة. سنمونتخ أن دعوة النبي عليه الصلاة والسلام على باسيس هذا من أول يوم jusqu'à la fin de sa vie عليه الصلاة والسلام. Il a combattu الشرك et il a appelé au tawhid عليه الصلاة والسلام. قال مما يدل على خطورة الشرك، هذا تقدم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فإذا فهمت أنهم يفعلون أشياء كثيرة يعرفون أنها من الظلم والعدوان مثل الزنا. الآن شيخ الإسلام رحمه الله il va nous expliquer la situation de هؤلاء. Ça c'est مهم. Tu connais la situation à l'époque du prophète عليه الصلاة والسلام, la situation de Quraysh. Et avec ça, tu vas comprendre un tas. Tu vas comprendre da'wat al-Nabi alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Fal'an, Cheikh al-Islam rahimahullah yubayyin anna ha'oula kuffar Quraysh kanu yartakibun ba'd al-ma'asi bal kathir min al-ma'asi. Al'an, il nous montre al-zina. Parmi leurs ma'asi, al-zina. Al'an, c'est quoi le lien entre ce qu'il nous montre al-an, Cheikh al-Islam, et ce qu'on a vu avant? Au début, il nous a expliqué da'wat al-Nabi alayhi sallam. Anna Jibril, il est venu alayhi sallam, il a révélé au prophète alayhi sallam le Coran, il a akhir, le début du Coran. Il nous montre, Cheikh al-Islam, anna ha'oula, ils avaient des péchés. Al-Kuffar, Kuffar Quraysh. Al-Zina, al-Riba, il a akhir. Kathir min al-Omour, il va les citer, Cheikh al-Fawzan. Lakin, nahnu, avant de lire, on doit comprendre qu'est-ce qu'il veut nous montrer là, Cheikh al-Islam. Non, il avait beaucoup de péchés, beaucoup de grands péchés. L'islam, il a commencé par ce qui est important, c'est l'appel au tawhid et mettre en garde contre Dieu. Ahsant. Anna, malgré leurs péchés qu'ils avaient, al-zina, al-khamr, prends l'exemple du khamr. Al-Nabi, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, le début de la révélation, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a ordonné d'appeler au tawhid, mettre en garde contre shirk. Au début, al-Nabi, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, il n'a jamais parlé de khamr, pourtant il buvait de l'alcool. Jamais. Ça te montre, anna, si on veut résoudre les problèmes d'une communauté, on commence par Al-Aham. Awalan, ils enlèvent Shirk. Ils appliquent Tawhid. S'ils ont appliqué ça, on avance à Salah. S'il a fait Salah, et on avance. Les péchés, Kadalik. Awalan, ils s'écartent du Shirk. S'ils s'écartent du Shirk, on commence à lui montrer la musique, l'alcool, Al-Zina, il a Akhir. Amma, les la fa'ida, un qaw, ils arrêtent de boire de l'alcool maintenant. Ou ils font plus Zina. Et c'est des mouchriks. Il n'y a pas une grosse faïda. Il y a un al-mushrik, il est fait une nar. Wa ma yushrik billah, wa qad harram allahu alayhi al-jannah wa ma'wahu al-nar wa ma lil-zalimina min ansar. Fahada, si tu veux du bien, que ce soit à ta famille, à tes proches, à tes amis, à ta ville, à ton pays, à ton quartier, appelez awalana hada. Léanna, si ils sont fait shirk, toutes leurs œuvres ne leur servent à rien. Voilà où ils font du khair. Voilà où ils font du khair. Et voilà aussi ces cartes de Ba'd al-Ma'asi. Maintenant, il y a des kuffars, ils ne font pas zina. Il y a des kuffars, ils n'aiment pas le mensonge. Il y a des kuffars, ils ne boivent pas de l'alcool. Lakin, yom al-qiyama, il est fin nar. S'il meurt, ala al-kuffar, ala al-shirk. Ça te montre, ça te montre la méthodologie pour faire da'wah. Cheikh l'Islam, Mohamed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, l'an, il va nous expliquer cette mas'ala. Et Cheikh al-Fawzan, hafidahullah, il va expliquer كذلك. Qala, الشيخ الفوزان: هؤلاء أهل الجاهلية كانوا يمارسون القبائح الزنا والربا والكبائر. Al-An, nous on a compris, il veut en venir où sur l'islam, avec ce qu'on a cité auparavant. ثم قال شيخ الإسلام وعرفت أيضا أنهم يفعلون شيئا من العبادة يتقربون بها إلى الله مثل الحج والعمرة والصدقة على المساكين والإحسان إليهم وغير ذلك. كذلك ce point, premier point, il nous montre أنهم يفعلون معاصي. Deuxième point, أنهم أي كفار قريش يفعلون عبادات. أولا il nous faut un دليل comme quoi ils avaient des عبادats. Ils adoraient Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, on doit comprendre où ils vont venir sur l'islam, bihad al-kalam. Fa'awalan al-dalil, indaman, indaman, al-malik, al-dalil al-kuffar, kanu, yani, indahum ibadat, kal-hajj wal-umra, wal-i'tikaf, wal-sadaqa, wal-kadir. Na'am, kanu yahujjun. Ils faisaient tawaf. كذلك النذر عمر بن الخطاب لا يفعل النذر dès qu'il était pas encore مسلم il avait fait un نذر de faire l'i'tikaf في المسجد الحرام. Tout ça c'est des adorations. Ça te montre ان الجاهلي الكافر المشرك à l'époque du prophète صلى الله عليه وسلم il avait des عبادات comme le مشرك d'aujourd'hui. فإذا on يروح شيخ الإسلام بهذا رحمه الله العبادات كلها تكون فعلتها وتشرك بالله عز وجل ما ينفع. أحسنت أن il veut montrer Anna, son hajj, sa umra, tout ce qu'il fait, s'il ne s'écarte pas du shirk et il n'adore pas Allah seul, ça ne lui sert à rien. La in ashrakta, la yahbatanna amaluk, wa la takunanna min al-khasirin. Celui qui ne délaisse pas le shirk, il est khasir, il est perdant. Walaw fi al-hajj, walaw fi al-umra, walaw fi al-salat, abadan, abadan. C'est comme quelqu'un qui a un sac, comme il nous a donné l'exemple, Cheikh l'Islam, il a un sac. Et il le remplit. Il le remplit d'eau ou de sable ou chay, et le sac il est troué. Il remplit, ça se vide. Hakada al-mushrik. Hakada al-mushrik. Cheikh l'Islam, il te montre l'importance de cette da'wah. Da'wah al-tawhid. Qala Cheikh al-Fawzan, wa ma'a hadha, indahum baqaya min din Ibrahim alayhi salatu wassalam. Kanu yahuddun, wa ya'tamirun, wa kanu yatasaddaqun ala al-muhtadin. Hadhi al-af'al tayyiba, lakin laysa ma'aha al-tawhid. صحيح سدافع طيبة حج عمرة إلى آخره لكن aucune utilité avec le shirk. حديث أبي هريرة في مسلم أن الله سبحانه وتعالى قال حديث الحديث قدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك. الله سبحانه وتعالى il a pas besoin d'associer. الله سبحانه وتعالى c'est le غني, c'est le حي, c'est le قيوم. Il a besoin de personne. فيقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك من أشرك معي فيه من أشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته والشركة. Celui qui fait une adoration et il associe avec quelqu'un, il associe à Allah une créature, Allah سبحانه وتعالى le délaisse, lui son عمل. Quel que soit l'عمل, quel que soit le nom, quel que soit sa bonne niya, Allah il accepte pas. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قال الشيخ الفوزان قال هذه الأفعال طيبة لكن ليس معها توحيد والعمل, وإن كان عملا طيبا إذا لم يكن معه توحيد فإنه لا يفيد صاحبه أبدا أبدا. والمسلم يزغمي كيستيون هنا المسلم يزغمي كيستيون المسألة أيها المسلم سباك تفز دي بوكو دوفر. Al-mas'ala, c'est que tes œuvres, et l'important, c'est que tes œuvres, elles soient sincères. Et plus tu fais des œuvres, et plus tu es sincère, fa'nour ala nour. Et c'est une ni'ma min Allah. Amma, beaucoup d'œuvres, et à la fin, tu vois, cette œuvre, tu l'as fait pour Foulan, cette œuvre, tu n'étais pas mukhlis, cette œuvre, tu as inventé, cette œuvre, rien d'Allah, c'est pas accepté. Falihada qala azza wa jal. في سورة الملك تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الله سبحانه وتعالى إلى كخي البشر ليبلوكم pour les éprouver أيكم أحسن عملا. C'est qui a le meilleur œuvre. الله il a, انتبه, الله il a pas dit qui c'est qui a le plus d'œuvre. Il a pas dit أيكم أكثر عملا, لأن الكثرة c'est pas un ميزان. Il peut avoir beaucoup et c'est pas accepté. On donne le kafir الآن. Certains kafirs, ils essayent de faire du bien. Ils aident des orphelins, ils font kada. Rien d'Allah, c'est pas accepté. Tu trouves un musulman, il a des péchés, il a akhiré, mais il fait salat sincèrement. Shahada, il a dit sincèrement, Yom al-Qiyama, il est fil Jannah. Allah, il peut lui pardonner tous ses péchés, ou il peut le châtier pour son péché, et après il va fil Jannah. La conclusion, le résultat, c'est qu'il finira fil Jannah. Enfin, ça te montre l'importance du tawhid. L'importance du tawhid et tes œuvres, ayyuhal muslim, daïman, la sincérité et le suivi du prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam. S'il manque une des deux conditions, l'œuvre n'est pas valable. Abadan. Man amila amalan, laysa alayhi amruna fahuwa radd. Hadith Aisha, fi sahih. Qala, wa ya'maluna a'malan sayyi'ah, ila jalib hadhi al-a'mal at-tayyibah. Ya'maluna a'malan sayyi'ah, a'zabuha ash-shirk, yaf'aluna az-zina, wa ya'kuluna ar-riba, wa ya'kuluna al-maysir. وهذه كبائر لكن أعظمها الشرك من عبادة الأصنام وغيرها عليكم السلام نعم أعظمها الشرك لأن العبد ses péchés annulent pas son amal ses péchés annulent pas son amal عقيدة أهل السنة أنه sa foi elle descend أما que ça annule complètement sa foi là إلا الشرك الشرك il annule la foi de la personne ça te montre أن le plus grave des péchés c'est الشرك قال ويتقربون بها إلى الله يتقربون بهذا الشرك إلى الله من جهلهم أي بسبب جهلهم قال يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى انظر كيف يفعل الجهل بأصحابه صحيح هذا سي ستموت خناء الجهل l'ignorance elle fait du mal à la personne plus que son pire ennemi son pire ennemi il lui veut du mal l'ignorance elle lui fera plus de mal waouh Médite sur cet exemple. Kafir Quraysh, Kafir Mushrik, il veut se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala avec la plus grosse mukhalafa, avec le plus grand péché. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa. Fa hada c'est ajib. Hada c'est ajib. Kaif tu veux adorer Allah subhanahu wa ta'ala avec la chose la plus grave? La plus grave. لا يجوز هذا لا يجوز لك قال انظر كيف يفعل الجهل لأصحابه يجعل الحق باطلا والباطل حقا يجعلون الشرك توحيدا وتقربا إلى الله عز وجل وهذا سبب جهلهم et eux leur nia أنت مديدني le verset leur intention c'est quoi إلا ليقربونا إلى الله زلفا leur intention c'est de se rapprocher d'Allah بل ils aiment Allah ils aiment Allah بعض المشركين ils aiment Allah لكن أولا ما الدليل c'est quoi الدليل أن بعض المشركين ils aiment Allah أحسنت أندادا يحبونهم كحب الله on avait vu les deux tafsirs de l'aya et un des deux tafsirs أنهم ils aiment Allah et ils aiment leurs idoles comme ils aiment Allah. Est-ce qu'ils aiment Allah? نعم. نعم. فانظر leur niya, leur but, avec tout ça, à cause de leur ignorance, ils sortent de l'islam. Avec tout ça, à cause de leur ignorance, يوم القيامة, ils sont fin nar. Ils sont fin nar. Léana, c'est pas une excuse, هذه. C'est pas une excuse, عند الله. خاصةً, الرسول صلى الله عليه وسلم, il leur a montré. Le Coran il est descendu, ils l'ont entendu et ils n'ont pas cru, ils ont rejeté. عند الله c'est des kafirs. قال وهذا يعطيك وجوب الاهتمام بأمر العقيدة وأمر التوحيد والفقه في ذلك. صحيح. من يتأمل il comprend l'importance de l'aqida et du tawhid. Ya akhi, tes efforts, ton temps, concentre-les le plus sur le tawhid. Wallahi si t'es un alim fi an-nahw. Tu peux être un alim fil fiqh, tu peux être un alim fil mustalah. Si tu donnes une adoration à autre qu'Allah, t'as tout perdu. Tout, celui qui adore autre qu'Allah, c'est un mushrik. T'amal. Tu trouves Bada al-mushrikin al-min al-sufiya, il est qawi fil nahu, il est qawi fil shi'r. Tu peux trouver une meskina, ajouz, min aja'iz les muslimin. Tu peux trouver une vieille femme meskina, elle ne sait pas lire, pas écrire, elle ne connaît rien du tout. Lakin, elle adore Allah seul. Elle fait salat comme elle peut et elle meurt à la hada al-hal. Elle fait partie min ahl al-jannah. Enfin, c'est quoi le mizan? Le mizan, c'est le tawhid. Lakin, comme a dit le Cheikh al-Fawzan, ou al-fiqh fi dhalik, il faut avoir du fiqh fi tawhid. C'est pas on connaît les adillah hakada par cœur et on comprend pas. Là, hada tawhid, il a du fiqh. بعض الناس ils sont égarés في باب الاسماء والصفات كما تعلمون بعض الناس ils sont égarés في باب الشفاعه comme on a vu beaucoup بعض الناس ils sont égarés في باب الوسيله التوسل وهكذا فلا بد أنت تتكونسنتر في العقيدة وفي التوحيد اجتهاد الاجتهاد يكون في الحفظ يكون في الدروس يكون في المراجعة et في المطالعة quatre choses si tu veux comprendre un fun quatre choses الحفظ تحفظ un متن أما هكذا tu vas apprendre le tawhid pas de حفظ ou alors tu as compris une chose tu vas peut-être un dalil tu vas pas le mettre à sa place et ça te mélangera tout وأعظم ما يحفظ في هذا الباب بعد كتاب الله عز وجل بعد القرآن كتاب التوحيد للمؤلف رحمه الله لشيخ الإسلام une fois qu'il a appris par cœur الدراسة الدروس لأن الآن tu connais une chose par cœur il y a des enfants مثلا ils connaissent كتاب التوحيد ils comprennent pas grand chose un enfant مسكين il a appris par cœur أنت la compréhension par cœur après il faut qu'il y a l'apprentissage par cœur après la compréhension une fois que tu as appris tu as compris المراجعة si tu délaisses ça partira ton حفظ il part ton فهم une grosse partie elle partira on pourra parler d'une مسألة tu ne seras pas sûr لأنه, si tu parles d'une chose sans ilm ça peut être dangereux pour toi et pour les autres ولا تقف ما ليس لك بعلم après une fois que tu as fait المراجعة المطالعة مطالعة الكتب مثلا تراجع نحن on a fait ce livre on a fait كتاب توحيد on l'a révisé الآن c'est pas خلاص c'est fini أبدا الآن il faut المطالعة أي lire شروح العلماء كتاب توحيد مثلا تلي شرح الشيخ الفوزان تلي شرح الشيخ بن باز تلي شرح الشيخ بن عثيمين تلي شرح الشيخ سليمان تلي شرح الشيخ عبد الرحمن بن حسن وهكذا هكذا يا جماعة تتقن العلوم combien de fois on dit نحن c'est pas des étiquettes أما علم dans les كتب une fois qu'on sort chez nous il n'y a plus rien لا لا ça c'est pas العلم المطلوب ça c'est pas العلم المطلوب فالعناية العناية خاصة علم العقيدة خاصة العقيدة والتوحيد on a tous du taqsir فلا بد et mets la barre haute أخي mets la barre haute حفظ tu peux درسه بإذن الله tu vois بعض العلماء tellement qu'ils ont compris le livre بعض العلماء comme vous avez vu il fait le درس il a même pas de livre أصلا il a pas de livre الشيخ بن باز رحمه الله combien de شرح de كتاب التوحيد il a fait combien des cassettes, ils l'ont tabaa en livre, il a akhri. Ar-rajul, il est aveugle, rahimahullah. C'est ça l'ilm, ya jama'a. Lakin, comment Cheikh Ibn Baz, il est arrivé à ce résultat ? Ijtihad. Hifd Qur'an, hifd al-mutun, il a taqan al-mas'ala. Al-an, ma min sharh, tu lui emmènes, il te fait un sharh, huwa. Ma min kitab, il fait le sharh. Il voit même pas le kitab, huwa. Lakin, al-ilm, il l'a compris. Hakada, nahnu, on essaye, on met la barre haute. Qal Cheikh l'Islam, رحمه الله وأجلها عندهم الشرك فهو أجل ما يتقربون به إلى الله عندهم كما ذكر الله عنهم أنهم قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله نعم هذا تقدم معنا كثير نحن ضلي دروس كنافة فإن شاء الله سيكون خير قالوا اعترفوا أنهم يعبدونهم حيث قالوا ما نعبدهم لكن يقولون ما قصدنا بهذه العبادة إلا أنهم يقربوننا إلى الله ستموت هذه أن l'intention ça suffit pas لا l'intention faut qu'elle soit bonne الله تعتقد الشرك تعتقد الشرك أما الآن انظر الآن الله لا تعتقد الشرك malgré ça ils disent là nous on veut seulement qu'il nous rapproche نعم لكن انت تريد ادور اوتر كالله ما نعبدهم المشرك الادمي انه الى دور اوتر كالله يدي لكن جلا دور انا كو بور سا تا با دو هذا كي سي كي تاوتوريزي دلا دوري كو بور سا انت تا با دو نحن جو مشرك ادور كالله واعبد الله ولا تشركوا به شيئا اي سي تا دور الله سان تو تابروش اد الله اما تا دور اوتر كالله تو في كو تلواني قال ويظنون ان هذا عمل طيب لانه تعظيم لله واجلال لله حيث أنهم يقربوننا إليه لأننا لا نصل إليه إلا بعبادتهم هذه سين شبهة إبليسية أن tu peux pas te rapprocher d'Allah سبحانه وتعالى إلا si tu prends un intermédiaire tout ça c'est باطل le fait de demander à l'intermédiaire c'est le shirk le fait d'invoquer un mort c'est une adoration tout ça c'est une شبهات إبليس on les a vu en détail في كشف الشبهات وفي التطهير قال فهم يقربوننا إلى الله لأنهم صالحون وهم يعنون الملائكة ويعنون الأنبياء مثل عيسى عليه السلام يتخذونهم وصائد بينهم وبين الله ليقربوهم إلى الله زلفى tout ça c'est باطل أنت أيها المسلم الله t'a ordonné de l'adorer seul adore le seul et écarte-toi de ces shubuhat. Ça c'est shubuhat al-Nasara. Al-An, كثير من النصارى يزن عقيدة أن الله سعيسى والعياذ بالله. فلا personne il ferme le bœuf de الشر. أنت tu veux te rapprocher d'Allah طريقة لكوني suis le prophète adore Allah seul. Tu te rapproches d'Allah سبحانه وتعالى. قال شيخ الإسلام وقال تعالى إنهم وقال تعالى إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. نعم ويحسبون أنهم مهتدون. Ça c'est une musibah. Ils croient qu'ils sont guidés, ils croient qu'ils sont à l'al-khayr. Et fait le haqiqa, Allah subhanahu wa ta'ala a montré à eux, c'est des alliés d'Iblis. Innahum uttakhadu shayatina awliya. Enfin, ceux qui adorent autre qu'Allah, c'est des alliés de Shaytan. Ou alors aussi, ils croient qu'il fait du bien. Si tu veux qu'Allah soit satisfait de toi, suis le prophète alayhi salatu wassalam. قال شيخ البوزان كيف اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله وهم يتقربون بالصالحين بعيسى وبعزير وبالملائكة. Ça c'est un سؤال طيب لأنهم يبخن كم انترميديان عيسى. فكمن on peut dire أنهم ils ont pris الشياطين أولياء, ils ont pris comme alliés les شياطين, alors que eux ils ont pris comme intermédiaire عيسى. Et là le verset est clair, إنهم اتخذوا الشياطين أولياء. فكي c'est qui répond à la question, Abu Bakr. كما قال الأخ أبو بكر عيسى والملائكة ils acceptent pas d'être adorés en dehors d'Allah. Enfin, ça te montre أن celui qui prétend se rapprocher d'Allah en adorant عيسى ou les ملائكة, عيسى et les anges eux-mêmes ils sont pas d'accord. Enfin, on peut se poser la question, qui c'est qui les a poussés à هذا? C'est الشيطان. Enfin, في الحقيقة eux ils adorent الشيطان. فلهذا قال عز وجل إنهم اتخذوا الشياطين أولياء. الشيخ الفوزان il va répondre, قال نعم اتخذوا الشياطين لأن هؤلاء الصالحين لا يرضون بذلك. نعم عيسى عليه السلام il est pas d'accord. النصارى l'exagération qu'ils ont envers عيسى, ils l'adorent, ils le prennent pour Allah إلى آخره. فلا شك أن عيسى c'est من أئمة الموحدين, c'est un نبي, c'est un رسول عليه الصلاة والسلام. فهو il est pas d'accord. قال ولم يأمرهم بذلك. نعم il les a jamais appelés à هذا, بل il les a appelés à adorer Allah seul. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. شك نبي لأقل هذا منهم عيسى. قال وإنما الذي أمرهم بهذا الشياطين. شياطين ils ont fait croire أن si tu veux te rapprocher d'Allah passe par عيسى, passe par les anges, passe par كذا. Tout ça c'est من وساوس إبليس. قال هي التي أمرتهم بعبادة المسيح وعبادة الملائكة وعزير وغيرهم من الأنبياء والصالحين. فهم يعبدون الشياطين في الحقيقة حيث أطاعوهم في عبادة هؤلاء ويحسبون أنهم مهتدون. نعم كما قال الشيخ الفوزان في الحقيقة l'obéissance qu'ils ont donné aux شياطين c'est une عبادة. فإذا أدغوا الشياطين لأن qui c'est qui lui a dit de prendre un intermédiaire? Est-ce que c'est Allah? أبدا عز وجل. Est-ce que c'est le prophète dans السنة? أبدا. Le prophète il a mis en garde contre هذا. فسي qui c'est الشياطين? قال فهم يعبدون الشياطين في الحقيقة حيث أطاعوهم في عبادة هؤلاء ويحسبون أنهم مهتدون يحسبون أن هذا هو الهدى. L'ignorant أعظم الشر, le plus grave des péchés, الشر. انظر certains ignorants croient que c'est أعظم العبادة. أما العالم celui qui a la علم ici أن أدغي أطرق الله c'est le pire des péchés. إن الشرك لا ظلم عظيم. لكن الجهل, الجهل ça fait croire à la personne des choses عجيبه. قال وأنه طريق وأنه طريق خير وطريق صلاح. ولهذا يقول جل وعلا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. قال وقال تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك. هذا سان دليل لي دو فيرسي كي لا سيتي من سورة الفرقان ومن سورة سبأ سي دي أدلة كي مونتر أن سو كي زادور لي زونج دون دي زوت فيرسي سو كادور عيسى يوم القيامة عيسى إي لي زونج يتبرؤون من هؤلاء اللي غني. قال ونزه الله سبحانه وتعالى أن يعبد غيره معه ولينا من دونهم ثم يكتنوا بقصة شيخ فوزان قال ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون انظر Ça te montre que ceux qui les ont poussés à adorer le malaïka, c'est le djinn, le shayatin. En fait, l'adoration, elle est le shayatin. C'est qui les a poussés à adorer Isa, les anges, c'est le shayatin. قال فالملائكة تبرأوا منهم وأخبروا أنهم ما أمروهم بهذا وإنما الذي أمرهم بهذا هم الشياطين من الجن والإنس. نعم, ça peut être des shayatin ins, Iblis ومن معه, ça peut être des shayatin ins. الضلال زنادقة الصوفية وزنادقة الروافض إلى آخره. إذا بلجا الشرك ليل نهار. قال فصارت عبادتهم للشياطين الذين أمروهم. فبرأ الله عباده الصالحين من أن يأمرهم من أن يأمروهم بذلك ومع هذا يحسبون أنهم مهتدون. قال فدل على أنه ليس العبرة أن يكون الإنسان حسن النية أو كونه ما قصد الشر. ليس العبرة بهذا. هذه سنفائدة طيبة. On la répète souvent. أن l'essentiel, l'important, c'est pas ce que tu veux toi. Vous avez remarqué, بعض الناس أحيانا, tu lui dis مثلاً, écarte-toi de ça, t'as pas le droit, c'est haram. Il dit, j'ai voulu que du bien. Ou il dit, j'ai pas voulu faire du mal. Mais nous, on lui dit, l'essentiel, c'est pas ça. Alhamdulillah, si t'as pas voulu faire du mal et tu voulais faire le bien, un autre montre le bien, suis-le. Amma, il reste sur son mal et il dit, là, j'ai pas envie de faire de mal. Le mal, c'est pas toi qui décide. Le mal, c'est Allah et le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous montrent c'est quoi le mal. Et Allah azza wa jalla et le prophète, ils nous montrent c'est quoi le bien. Anta, tu fais le bien et tu t'écartes du mal. Amma, ba'dannas, il délaisse un bien, il pense que c'est un mal. Est-ce que ça va l'aider? Abadan. Lianna, anta, t'as pas le choix, c'est un din. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tu dois adorer Allah subhanahu wa ta'ala tant que tu peux. Amma, tes sentiments, si on suit les sentiments des gens, khalas. Hada, il aime ça, hada, il aime pas ça, hada, il veut faire ça, hada, il veut pas. On n'a plus de din. Enfin, notre din, il est basé sur des sources. Et un musulman, il s'accroche tant qu'il peut. قال فدل على أنه ليس العبرة أن يكون الإنسان حسن النية أو كونه ما قصد الشر ليس العبرة بهذا. العبرة بالاتباع للرسل ومن صار على نهجهم. C'est ça l'essentiel. C'est que tu suis ton prophète عليه الصلاة والسلام et tu suis ses compagnons et ceux qui sont venus après. قال عليه الصلاة والسلام عليكم بالسنة والسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجد. C'est ça l'essentiel pour toi, ayyuhal muslim. Tu suis le prophète et ses compagnons et tu t'accroches. Tu t'accroches avec tes molaires et tu t'accroches fort. Hada. Amma, une personne il fait du shor et il dit j'ai pas voulu, abadan. Hada fi dunya, ça passe pas. Hada. Hada fi dunya. Wahad il te fait du mal, il dit lakin j'ai pas voulu. Naam, t'as pas voulu, mais arrête de me faire du mal. Wahad il te vole ton argent là, mais j'ai pas voulu. Je voulais faire du bien. Voilà où tu voulais faire du bien. Tu n'as pas le droit de prendre haq le muslim. Hada, fait l'ibra, elle est bi shara. L'ibra, elle est bi dalil. L'ibra, elle n'est pas bi hawa annas. Fulan y pense et fulan y pense. Qala, wa husnu niya ma'a qubh al fi'l, la yanfa. Une personne, il fait zina et il nous dit, mathalan, j'ai pas voulu faire du mal, je sais que c'est mal, lakin, ça lui sert à rien. Il a fait zina. Min bab awla al shirk. Ta niya, ayyuha al muslim, ton intention, tu dois la régler avec le kitab et le sunnah. Tu ne la règles pas avec l'hawa, ou avec wasawis shaitan, ou avec les mauvais conseils de fulan ou fulan. Non, ta niya, tu la débattes avec le kitab et le sunnah. قال فلم يكن هذا عذرا لهم لأن الله أرسل الرسل وأنزل الكتب ولإنكار ذلك. نعم. قال شيخ الإسلام عرفت أن منهم من تعلق على الأصنام ومنهم من تعلق على الملائكة وعلى الأولياء من بني آدم. Cette مسألة on l'avait en détail في رسالة قاعد الأربع. On l'a vu كذلك في كشف الشبهات. أن من المشركين. Et ça c'est important كذلك. تفضل. Le 9. قال قال غيري نعم قال فنغفين قال فبرأ الله الاتباع نعم قال فأول ما أمره الله به الإنذار عنه قبل الإنذار عن الزنا والسرقة وغيرهما. Et ça c'est une مسألة مهمة. Si tu sais أنت, on revient à la biographie toujours. T'as lu la biographie, tu sais que le prophète صلى الله عليه وسلم dès qu'il a reçu la révélation, son corps Kuffar Quraysh, c'est connu. Ils avaient beaucoup de péchés. La musique, al-riba, al-zina, al-khamr, ils avaient beaucoup de péchés. la musique, la fornication, il a akhiré. Ils buvaient l'alcool, tout ça c'est des péchés. Ils avaient shirk kadhalik. Ils avaient shirk, ils adoraient autre qu'Allah. Allat wal Uzza ila akhir. Fa'an, la première chose, comme on a vu dans la biographie, que Allah subhanahu wa ta'ala, il a ordonné le prophète sallallahu alayhi wa sallam de mettre en garde al-shirk. Wal-rujza tahjur. Al-rujza, on a dit, c'est l'asnam. C'est shirk. Fahjur. Aïe, tu mets en garde, tu délaisses. Fa'an, on peut se poser la question, pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas mis en garde contre zina, il n'a pas mis en garde contre kada dès le début? On a la réponse. Anna, pour que les œuvres y soient valables, la personne, il faut obligatoirement, il a la plus de tawhid et il s'écarte du shirk. Après, il regarde les autres choses. Amma, comme on a expliqué, une personne, il ne fait pas de zina et c'est un mouchrik, il est finnar. Il est finnar. Enfin, là, bout, la personne, il commence par l'essentiel. Là, bout. Hada, c'est un point azim dans la sirah du prophète, alayhi sallallahu alayhi sallam. Fa kam l'an min al-juhad. Mon sirah, c'est que c'est des du'ats. Du'ats ahl al-dhalal. Maintenant, ils sont dans un environnement, dans un pays, dans un endroit. Les gens, ils adorent les tombes. Les gens, ils égorgent pour les tombes. Ils vont voir les sorciers. Et tu trouves pas une lettre. Wallah, il va dire min du'at al-ikhwan al-muflisin wa min du'at jama'at tabligh al-dhallal ila akhirih. Pas une lettre contre le shirk. Tu sais pourquoi? Li'anna ru'usahum. Li'anna leurs imams, ils font du shirk. Comment tu veux qu'ils mettent en garde contre le jama'a? Il peut pas. Ou voilà aussi son cœur, il peut pas. Prends maintenant l'exemple de l'ikhwan. Jama'at al-ikhwan al-muflisin. Leur tête, Hassan al-Banna. Il allait visiter Zarih al-Badawi vi Misr à pied, des heures, aller-retour. Et Qabr al-Badawi, il y a des ajaïb. Ils adorent autre qu'Allah, sarihan. T'as aucun doute. Hada, il fait sujoud, hada, il fait tawaf. Hassan al-Banna, la tête de Jama'at al-Ikhwan, il visite Hada al-Zarih. La tête de Jama'at al-Tabligh, les têtes de Jama'at al-Tabligh, ils font du shirk surah. En Inde, au Pakistan, ces pays, où que Jama'at al-Tabligh est kawiyya. Ils sont beaucoup, ils font du shirk wadih fil qubur. Comment tu veux qu'ils m'en gardent contre le shirk? C'est pour ça que tu trouves un celui qui m'en garde contre le shirk appelé le tawhid, il l'a du'at sunnah. Lianna, son imam, c'est le rasoul, alayhi sallallahu alayhi sallam. Et il suit le Qur'an, abudullah wa la shirku bi shay'a. C'est ça son deal. Et tu trouves un oula, ils rentrent dans des sujets, ils développent des sujets ba'id jiddan. Tu trouves une umma, elle fait du shirk, la première chose, le problème qu'ils trouvent, c'est le gouverneur Foulan. Si vous faites du shirk, yom al-qiyama, vous êtes à la khatar. Yom al-qiyama, tu ne rendras pas des comptes sur le gouverneur. Abadan. Sallallahu subhanahu wa ta'ala, yahdiyahum. Amma, tu les trouves, eux, ils délaissent tout ça, et pendant des heures, gouverneur Foulan, gouverneur Foulan, gouverneur. Ya akhi, et ton nefs, et toi, t'es où, anta? T'es où, anta? Hatta wahad marra, min al-juhal, comme il nous a rapporté un frère, il est en France, Bilal al-Kuf. Il travaille. Un endroit mixte. Il le voit dans la rue avec une collègue du travail. Avec tout ça, je ne vous parle pas de ça, l'apparence. C'est triste. Avec tout ça, il parle avec un frère et lui dit, le roi d'Arabie Saoudite, c'est un kafir. Lakin andar. Andar, shaytan. Il délaisse son nefs, il va voir les autres. Le roi d'Arabie Saoudite, il est à la khair. Il est entouré de ulama al-sunnah. Il est furiable. On ne dit pas qu'il est parfait. N'hsibou, il est à la khair. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il le fait mourir à la khair. Il délaisse tout ça. Et son petit shaitan, il est fait croire le roi d'Arabie Saoudite. Et le meskin, personne ne l'écoute. Il est dans une rue en France, tout seul. Il parle avec son shaitan. Le frère, il l'a écouté, il nous a rapporté. Le roi d'Arabie Saoudite, les kafirs. On lui pose la question, t'as gagné quoi dans ton din? T'as gagné quoi? T'as fait quoi l'Arabie Saoudite? Le roi d'Arabie Saoudite, ça a changé quoi ta parole? Shaitan, il joue avec eux. Faqat. Et nous, on lui dit, Yom Qiyama. Est-ce que Yom Qiyama, Allah subhanahu wa ta'ala, il va demander sur le roi d'Arabie Saoudite, Kullu nafsin bima kasabat rahina? Chacun avait jugé sur ses œuvres. Pour se rassurer, c'est pour se rassurer. Vu que lui, Miskin, il est avec le kuffar, il ne sait plus comment faire, son shaitan, il vient, le roi d'Arabie Saoudite. Et il a stafet minat takfiriyin dans Internet. Façon djahl. Plus Internet, il se fait harb par les kuffar, il ne le sent pas. Plus l'ambiance où il est, beaucoup de ma'asis, son iman, il a descendu. Andar, le résultat. Sallallahu alayhi wa sallam wa l'afiyah. L'importance du tawhid, où que tu sois, en France, en Afrique, où que tu sois, à tawhid. Et ce tawhid, tu verras, il va te régler ta vie. L'aqidah sahiha, ça va te régler ta vie. Subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Ma'a tahiyati dammaj afar.com.